Tu y'a pas d'amis quand j'en ai des sacs au cassé. Un trou dans une impasse, fils d'ep, on va passer. T'es un fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. Les comptes, on fait tout assis. J'ai dans les partages un goût ainsi. Laisse tomber, toi t'es fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. J'en